Thank you. Karma, c'est une machine à composer aussi. déjà. Post-punk gun, baby. Allez, il va nous en faire une autre. Karma. Since you've been making love. Moi j'aime bien. Sympa. J'aime bien le son qu'il a. Ouais, c'est bidouille. Ben c'est Kirovi, je m'avais conseillé une fois, tu te rappelles? Kirovi avec deux E, ouais. Ça va. Ah oui, ah oui. Ouais, je l'ai encore. Ouais, ouais, c'est sympa. C'est... Là, tu l'as bien réglé parce que sinon, ça fait vite. Kero Mickey. Mickey Mouse.